Cet infatigable M. Cronin avait organisé une partie de cache-cache. Nous nous joignîmes aussitôt à eux, et que ce fut donc amusant de se blottir, de se poursuivre et de s'esquiver parmi les grands chênes de Hatherley, comme ils auraient été scandalisés s'ils avaient pu nous voir, l'austère et vénérable abbé qui les avait plantés, et toutes les théories de frères en robe noire qui étaient venus réciter des oraisons sous leur ombre bienfaisante. Jacques avait refusé de jouer en invoquant son mal de pied et fumait étendu sous un arbre, rongeant son frein et regardant sans cesse M. Salomon Barker avec des yeux furibonds et terribles, tandis que ce dernier s'en donnait à cœur joie et se faisait remarquer par ce fait qu'il réussissait toujours à se laisser attraper, sans parvenir jamais à attraper les autres. Pauvre Jack, il jouait certainement de malheur ce jour-là. Un amoureux, même au comble de ses vœux, aurait été, je crois, quelque peu contrarié par l'incident qui se produisit pendant notre retour. Il avait été convenu que nous reviendrions tous à pied, puisque l'on avait déjà renvoyé la voiture avec le panier vide. Nous partîmes donc par le chemin de Thorny, à travers champs. Nous venions à peine de franchir une barrière pour traverser l'enclos de 10 arpents appartenant au vieux Brown, quand M. Cronin s'arrêta net et nous fit observer qu'il vaudrait mieux prendre la route. « La route ? » répéta Jack. « Et pourquoi faire ? Nous gagnons un quart de mille en passant par le champ. » « Mais c'est plus dangereux, il est préférable de faire le tour. »« Dangereux ? Quel danger y a-t-il donc ? » s'écria le lieutenant. « Oh, aucun ? » répondit Cronin. « Seulement ce quadrupède que vous voyez là est un taureau pas commode. Voilà tout. Je suis d'avis qu'il serait imprudent de laisser ces demoiselles s'aventurer par là. »« Nous n'irons pas !» affirmèrent les demoiselles en chœur. « En ce cas, longeons la haie et revenons par la route, » proposa Sol. « Allez par où vous voudrez, » nous dit Jack avec humeur. « Moi, je passe par le champ. »« Ne fais pas de folie, Jack, » s'interposa mon frère. « Libre à vous de battre en retraite devant une vieille vache, si bon vous semble. Cela froisse mon amour-propre, vous comprenez ? Alors je vous rejoindrai de l'autre côté de la ferme. » Nous nous groupâmes autour de la barrière, attendant avec inquiétude ce qui allait se passer. Jack chercha à se donner l'air d'être exclusivement préoccupé du paysage et de l'état probable du temps, et se mit à regarder alternativement autour de lui et vers les nuages. Toutefois, ses observations commençaient et se terminaient presque invariablement dans la direction du taureau. Cet animal, après avoir d'abord longuement fixé l'intrus, s'était retiré sur l'un des côtés du champ, à l'ombre de la haie, tandis que Jack s'avançait au milieu, dans le sens de la longueur. « Tout va bien, » déclarai-je. « Le taureau s'est écarté de son chemin. »« Je crois plutôt qu'il cherche à l'attirer, » dit M. Cronin. « C'est une bête vicieuse et rusée. » À peine M. Cronin avait-il prononcé ces mots que le taureau quitta la haie et se mit à gratter le sol avec son pied en secouant sa méchante tête noire. Jacques était maintenant parvenu au milieu du champ et affectait toujours de rester indifférent aux évolutions de la bête, mais il n'avait pu se défendre de presser un peu le pas. Le taureau se mit alors à décrire, en courant rapidement, 2 ou 3 cercles étroits. Puis il s'arrêta net, meugla, baissa la tête, redressa la queue et fonça sur Jack à toute vitesse. Il aurait été oiseux pour Jack de feindre plus longtemps d'ignorer sa présence. Il se décida donc à se retourner et fit un instant face à son ennemi. Mais bientôt, n'ayant entre les mains que sa légère petite badine pour se défendre contre cette demi-tonne de viande inconsciente qui se ruait sur lui, il prit le seul parti qu'il pouvait prendre en pareil cas, fuir vers la haie qui se trouvait à l'autre extrémité du champ. Au premier abord, il dédaigna de prendre le pas de course et se contenta de marcher un peu vite, sorte de compromis entre sa dignité et ses craintes, qui était si ridicule que, malgré nos appréhensions, nous ne pûmes nous empêcher de rire tous ensemble. Mais bientôt, entendant que la galopade des sabots de corne se rapprochait de lui de plus en plus, il accéléra tellement le pas que, pour finir, il prit ses jambes à son cou, son chapeau envolé, les basques de sa jaquette flottant au vent, cherchant à se mettre à l'abri le plus vite possible. Son adversaire n'était plus qu'à 10 pas derrière lui, et certes, si toute la cavalerie d'Ayoub Khan avait été à ses trousses, il n'aurait pu faire preuve d'une plus grande précipitation. Malgré la hâte avec laquelle il courait, le taureau courait plus vite encore, et ce fut presque en même temps que tous les deux ils atteignirent la haie. nous vîmes Jack s'y enfoncer résolument, et l'instant d'après il ressortit de l'autre côté comme un boulet de canon, cependant que le taureau lançait une série de meuglements de triomphe à travers la brèche qu'il avait faite. Ce fut un vif soulagement pour nous de voir que Jack se relevait piteusement, mais indemne, et s'en allait vers le château sans oser se retourner. Deux jours après le pique-nique devait avoir lieu notre grande loterie du Derby. C'était une cérémonie annuelle à laquelle on ne manquait jamais au château de Hatherley, et parmi les hôtes et les voisins, il se trouvait en général autant d'amateurs de billets que de chevaux prenant part à la course. « Mesdames, messieurs, la loterie est pour ce soir, » annonça Bob en sa qualité de chef de famille. « L'inscription est fixée à 10 shillings. Le second recevra un quart de la poule et le troisième aura sa mise remboursée. Il est interdit de prendre plus d'un billet ainsi que de revendre le sien après l'avoir pris. Le tirage aura lieu à 7 heures. » Tout cela fut débité par Bob sur un ton officiel et pompeux, mais l'effet qu'il avait cherché à produire fut quelque peu gâté par le sonore « Amen !» lancé par l'incorrigible M. Cronin. Je vais être maintenant forcé d'abandonner pour quelque temps le style personnel de mon récit. Jusqu'à présent, mon historiette a été composée simplement d'extraits détachés de mon journal intime. Mais arrivé à ce point, il me faut rapporter ici une scène dont je n'eus connaissance que plusieurs mois plus tard. Le lieutenant Hawthorne, ou Jack, comme je ne puis faire autrement que de l'appeler, avait fait preuve de beaucoup de calme depuis son aventure avec le taureau et s'abandonnait maintenant à d'interminables rêveries. Or, par un effet du hasard, il se trouva que le jour de la loterie, M. Solomon Barker entra après déjeuner dans le fumoir et découvrit le lieutenant assis sur un divan et en train de fumer dans un magnifique isolement. Battre en retraite eût été de la poltronnerie. L'étudiant s'assit donc sans mot dire et se mit à feuilleter les pages du graphique. Les deux rivaux sentirent tous deux que la situation était des plus embarrassantes. Ils s'étaient depuis longtemps appliqués l'un et l'autre à s'éviter tant qu'ils pouvaient. Et c'est pourquoi ils éprouvaient une telle gêne à se trouver face à face, à l'improviste, sans tierce personne susceptible de leur servir de tampon. Le silence finit par devenir intolérable. Le lieutenant bâillait, toussait avec une nonchalance exagérée et cherchait à se donner l'air absorbé par la lecture de son journal. Une fois, Sol releva le nez vers son compagnon, mais justement ce dernier était en train d'en faire autant, de sorte que simultanément, tous deux parurent prendre un intérêt des plus vifs au dessin de la corniche. « À quoi bon lui faire la tête ?» pensa Sol en lui-même. « Après tout, je ne demande qu'une chose, c'est que tout se passe loyalement. Il va sans doute me rabrouer, mais n'importe, tâchons quand même de l'aborder. » Sol avait justement laissé éteindre son cigare. C'était là une trop belle occasion pour la laisser échapper. « Auriez-vous l'obligeance de me donner une allumette, lieutenant » pria-t-il. Le lieutenant était désolé, tout à fait désolé, mais il n'avait pas d'allumette sur lui. Mauvaise entrée en matière par conséquent. Néanmoins, M. Solomon Barker, comme beaucoup de timides, devenait l'audace incarnée dès que la glace était rompue. Il ne voulait plus de bisbilles ni de méprises dorénavant. C'était l'heure ou jamais d'arriver à un arrangement définitif. Il traîna donc son fauteuil à l'autre bout de la pièce et vint se planter devant le soldat que cette manœuvre étonna profondément. « Vous êtes amoureux de Mademoiselle Nelly Montagu, » lui fit-il observer. Jack bondit sur ses pieds avec la même précipitation que si le taureau du fermier Brown était entré par la fenêtre. « Et quand je le saurai, monsieur, » dit-il en tordant sa moustache brune, « en quoi cela vous concerne-t-il » « Ne vous emballez pas, » répondit Sol. « Reprenez votre place et causons tranquillement. Moi aussi je suis amoureux d'elle. » « Cela revient à dire que nous sommes tous deux amoureux d'elle, » poursuivit Sol en ponctuant ses paroles du bout de son index. « Eh bien, et après, j'imagine que c'est le meilleur de nous deux qui remportera la victoire, et que Mademoiselle Montagu est bien de taille à fixer son choix elle-même. Vous n'avez pas la prétention, je pense, d'exiger que je me retire de la course sous prétexte que vous ambitionnez le prix. » « C'est justement cela, » s'écria Sol. « Il faudra que l'un de nous deux se retire. Vous avez mis le doigt sur l'idée juste. Vous comprenez, Nelly, Mademoiselle Montagu, veux-je dire, a autant qu'il m'est permis d'en juger, plus d'inclination pour vous que pour moi. Mais je lui inspire, d'autre part, assez d'inclination pour qu'elle ne veuille pas me peiner en m'opposant un refus catégorique. » La franchise m'oblige à reconnaître, dit Jack, d'un ton conciliant cette fois, que Nelly, mademoiselle Montagu, veux-je dire, a plus d'inclination pour vous que pour moi, mais qu'elle n'en a néanmoins suffisamment à mon égard, comme vous le constatez vous-même, pour ne pas me préférer ouvertement mon rival en ma présence. Je ne crois pas que vous ayez raison, répartit l'étudiant. Je suis même sûr que vous avez tort, car elle-même me l'a confié. Toutefois, ce que vous me dites nous aidera à nous entendre, comme je souhaite que nous y parvenions. Il est bien évident que tant que nous nous montrerons tous les deux également épris d'elle, nous ne pourrons avoir l'espoir de la conquérir. C'est assez juste, reconnut le lieutenant après avoir réfléchi. Mais alors, que proposez-vous ? Je propose que l'un de nous se retire pour employer l'expression dont vous vous êtes servi. Mais lequel se retirera ? Demanda Jack. Ah, voilà la question. La situation semblait sans issue. Aucun des deux jeunes gens ne paraissait le moins du monde décidé à abdiquer en faveur de son rival. « Écoutez, dit le lieutenant, si nous nous en remettions au hasard. » La proposition était loyale en somme, et l'officier l'accepta immédiatement. Mais alors, une nouvelle difficulté se présenta. Tous deux, pour des raisons sentimentales, se faisaient scrupule de jouer leur belle à pile ou face ou de la tirer à la courte paille. C'est à cet instant critique que le lieutenant Hawthorne fut frappé d'une inspiration. « Je vais vous dire comment nous déciderons cela, » expliqua-t-il. « Nous avons chacun un billet pour notre loterie du derby. Si c'est votre cheval qui bat le mien, j'abandonne la lutte. Si au contraire, c'est le mien qui bat le vôtre, vous renoncez à mademoiselle Montagu. Cela vous va-t-il ? » « Je n'ai qu'une seule condition à poser, » répondit Sol. « La course n'aura lieu que dans 10 jours. » Il faut que, durant ce temps-là, aucun de nous ne cherche à prendre sur l'autre un avantage déloyal. Nous nous engagerons réciproquement à ne plus faire la cour à mademoiselle Montagu, tant que la question ne sera pas résolue. Conclu, dit le soldat. Comme je l'ai déjà fait remarquer, j'ignorais l'entretien qu'avaient eu ensemble mes deux amoureux. J'ajouterai simplement en passant que pendant qu'il avait lieu, je me trouvais pour mon compte dans la bibliothèque, en train d'écouter des pages de Tennyson, que me lisait, d'une voix musicale et profonde, M. Nicholas Cronin. Je remarquai toutefois dans la soirée que les deux jeunes gens avaient l'air prodigieusement préoccupés de leurs chevaux, et que ni l'un ni l'autre ne paraissaient chercher le moins du monde à se rendre agréable à mes yeux. J'eus d'ailleurs la satisfaction de voir qu'ils furent aussitôt punis de leur négligence lorsqu'on procéda au tirage au sort. Tous deux amenèrent en effet de parfaits outsiders. Le cheval de Sol s'appelait, je crois, Eurydice, celui de Jack, Bicyclette. M. Cronin amena un cheval américain nommé Iroquois, et tous les autres se montrèrent assez satisfaits de ce que la chance leur apporta. Avant de monter me coucher, je risquai un coup d'œil dans le fumoir, et je vis avec amusement que Jack était en train de consulter l'oracle sportif du Field, tandis que Sol était plongé dans la lecture de la Gazette. Cette passion inopinée pour le turf me parut d'autant plus étrange que je savais mon cousin fort incompétent en la matière. Tout le monde s'accorda à trouver bien long les 10 jours qui suivirent, mais pour ma part, je ne fus pas de cet avis. Cela tient peut-être à ce que je fis, au cours de cette période, une découverte très inattendue et très agréable. C'était un grand soulagement pour moi de n'avoir plus à craindre de froisser les susceptibilités de mes ci-devant amoureux. À présent, j'étais libre de parler et à ma guise. Car il m'avait complètement abandonné et laissé à mon frère Bob et à M. Cronin le soin exclusif de s'occuper de moi. On aurait dit que leur passion nouvelle pour les courses leur avait fait totalement oublier l'ancienne. À mesure que le grand jour approchait, l'émotion devenait plus vive. Il nous arrivait souvent à M. Cronin et moi d'échanger des coups d'œil malicieux lorsque nous voyions au petit déjeuner Jack et Sol se précipiter sur les journaux et dévorer la liste des paris. Mais ce fut la veille au soir du derby que l'affaire atteignit son point culminant. Le lieutenant avait couru à la gare afin d'apprendre plus vite les dernières nouvelles, et à présent il rentrait comme une trombe, agitant au-dessus de sa tête un journal froissé. « Eurydice et Scross » cria-t-il. « Votre canasson est fichu, Barker !»« Hein, montrez-moi cela !» gémit mon cousin en prenant le journal. Mais aussitôt il le laissa tomber par terre, sortit en coup de vent, et se mit à dégringoler l'escalier 4 à 4. Nous ne le revîmes que fort tard dans la soirée, lorsqu'il rentra furtivement, la figure toute défaite, et remonta dans la chambre. Pauvre garçon, Je l'aurais volontiers prise en commisération si son brusque revirement vis-à-vis de moi ne m'avait un peu refroidi à son égard. À dater de ce moment-là, Jack parut devenir un homme tout autre. Il se mit à me prêter une attention marquée, ce qui m'ennuya beaucoup d'ailleurs, ainsi qu'une autre personne qui était au salon avec nous. Il joua du piano, chanta et nous proposa de danser. Bref, il usurpa complètement le rôle qui était ordinairement dévolu à M. Cronin. Je me rappelle avoir été frappé de ce fait que le matin du jour du derby, le lieutenant parut se désintéresser entièrement de la course. En descendant pour déjeuner, il ne se donna même pas la peine d'ouvrir le journal qui était à sa place. Ce fut M. Cronin qui se décida à le prendre, à le déplier et à jeter un coup d'œil sur ses colonnes. « Quelle nouvelle, Nick ?» demanda mon frère Bob. « Rien, ou à peu près. Ah si, attendez, voici quelque chose. Encore un accident de chemin de fer. Une collision, sans doute. Le frein Westinghouse n'a pas fonctionné. Il y a 2 tués, 7 blessés et, par exemple, écoutez voir un peu. Au nombre des victimes figurait l'un des concurrents de l'Olympiade hippique d'aujourd'hui. Un éclat de bois pointu lui avait pénétré dans le flanc. Il a fallu sacrifier cet animal de valeur sur l'autel de l'humanité. Le nom du cheval en question est Bicyclette. Tiens, vous avez chaviré votre café sur la nappe, Wowthorn. Ah, c'est vrai, j'oubliais. Bicyclette était votre cheval, n'est-ce pas ? D'après ce que je vois, Iroquois, qui avait débuté très bas, est devenu à présent un des premiers favoris. Parole prophétique, lecteur, comme votre sagace discernement vous l'a sans doute fait deviner déjà. Mais n'allez pas pour cela me traiter de coquette et d'inconstante, avant d'avoir apprécié les faits à leur juste valeur. Réfléchissez à quel point j'avais été vexé par la désertion inopinée de mes admirateurs. Imaginez la joie que m'apporta l'aveu d'un homme dont j'avais cherché à me dissimuler à moi-même que j'étais éprise. Pensez aux magnifiques occasions qui s'étaient offertes à lui pendant le temps où Jack et Sol m'avaient évité, de parti pris. Pesez bien tout cela. Et dites-moi ensuite lequel d'entre vous osera jeter la première pierre au rougissant petit gros lot de la loterie du derby. Voilà la chose, telle qu'elle fut insérée, au bout de 3 mois très courts, dans le Morning Post. En l'église de Hatherley, M. Nicholas Cronin, fils aîné de M. Nicholas Cronin, des Woodlands, Croftshire, avec Mlle Éléonore Montagu, fille de feu M. James Montagu, juge de paix du château de Hatherley. Jack partit après avoir déclaré qu'il avait l'intention de se proposer comme volontaire dans une expédition qui faisait ses préparatifs de départ pour le pôle Nord en ballon. Mais il revint au bout de 3 jours, disant qu'il avait changé d'avis et qu'il projetait de se lancer sur les traces de Stanley à travers l'Afrique équatoriale. Depuis, il lui est arrivé de faire 1 ou 2 allusions aux espérances déçues et aux joies inexprimables de la mort. Mais, somme toute, il se remet peu à peu. Sol a pris la chose plus doucement, et je crains pour lui qu'il n'en ait souffert davantage. Néanmoins, il s'est ressaisi comme un bon et brave garçon qu'il est, et il a même poussé la hardiesse jusqu'à proposer un toast aux demoiselles d'honneur, ce qui lui a procuré l'occasion de s'empêtrer dans une belle phrase dont il n'a jamais pu sortir. Je me suis laissé dire qu'il avait confié ses malheurs et ses déceptions à la sœur de Grace Maberly, et qu'elle lui a témoigné la sympathie qu'il en attendait. Bob et Grace doivent se marier dans 2 mois. Il se pourrait donc fort bien qu'un autre mariage fût également célébré vers la même époque.